إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc c'est un nouveau cours issu de l'explication du livre en langue française من كنوز القرآن الكريم، parmi les trésors du Coran، du Cheikh Al-Allama Abdel Mohsin Ibn Hamad Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala. Donc on poursuit l'explication de certains versets choisis par le Cheikh dans le Coran, et on était dans Surat Ali Imran. Donc aujourd'hui Inch'Allah on va finir les versets qui sont en relation avec cette Surat. Yaqul le Cheikh Rahimullah وقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Ça c'est le verset 104 de Surat Ali Imran. Et le sens du verset est le suivant: que soit issu de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. Ici, comme l'explique le Shir, il nous dit que dans chaque pays musulman, et c'est ce qui incombe en fait à chaque État parmi les pays musulmans, c'est qu'il y a en fait des groupes de gens qui interdisent le mal, qui interdisent et qui blâment l'interdit, et qui ordonnent le convenable, qui appellent au bien, qui ordonnent au convenable et qui interdisent le blâmable. Ça, c'est ce qui est demandé dans une société musulmane, c'est qu'il y a un groupe de gens qui accomplit cette fonction. Wal-aya, c'est-à-dire ce verset-là, wal-takum minkum ummatun yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil-ma'ruf. On avait dit que le terme umma, il prenait plusieurs sens dans le Coran. Et parmi les sens qu'il prend, le groupe, yani au sens de groupe. Et c'est en fait ici la signification du terme umma lorsqu'il est employé dans ce verset. Umma, c'est-à-dire groupe, et non une communauté, c'est-à-dire toute la communauté. Pourquoi ça? Parce que le shirk également, parce qu'il nous dit « Adamin furud al-kifayat », c'est-à-dire c'est un « fard kifai ». On avait vu que cette fonction-là, elle doit être occupée par un groupe de personnes, et non en fait toute la communauté. Bien sûr, lorsqu'on entend par groupe, pour ce qui est en relation du « amr bil-ma'ruf » ou « nahy an al-munkar », c'est au niveau en fait de la société. Sinon, comme il va nous prouver le shirk, il va nous le prouver avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, c'est une obligation pour tout le monde. Mais qu'il y ait un groupe dans la société qui interdise le mal, ou avant cela qui ordonne le bien et qui interdise le mal, c'est en fait min furud al-kifayat, c'est-à-dire une obligation. Mais une obligation qui est, lorsqu'elle est faite par un groupe de gens, alors elle n'est plus obligatoire pour les autres. C'est ce qu'on appelle al-fard al-kifayi. Khilaf al-fard al-ayn, c'est-à-dire l'obligation qui est une obligation pour tout le monde. Donc en fait, si on regarde al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, et si on comprend la parole du shir, on va s'apercevoir en fait que cela, au niveau de la société, c'est un fard kifay, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de gens. Comme on pourrait appeler une police, c'est-à-dire une police des mœurs, qui surveille en fait et qui veille au bien de cette communauté-là. Al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, c'est un terme qui est très général. Amr bil ma'ruf, ou le ma'ruf, c'est tout ce qui est demandé au niveau de la religion. Et al-munkar, khilaf ou dhalik, c'est-à-dire tout ce qui est contraire à la religion, tout ce qui est le mal, tout ce qui rentre dans le mal, donc tout ce qui est contraire à la législation, tout ce qui est contraire à la religion de l'islam. Donc, dans ce verset, waltakun minkum ummatun yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil ma'ruf, waltakun. Donc bien sûr ici, Allah Azza wa Jalla nous demande à cette communauté-là qu'il y ait un groupe de personnes, qu'il y ait un groupe de personnes qui veillent à accomplir cette tâche-là au milieu de la société. Et donc ça c'est fard kifai. S'il y a un groupe de gens qui le font, alors ça ne devient plus obligatoire pour les autres personnes. Taïb. Donc ça, on a vu que c'était au niveau de la société. Maintenant, par rapport à chaque personne, l'amr bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar, il est également obligatoire. Mais c'est-à-dire au niveau de chaque personne. Et ce qui nous prouve ce caractère obligatoire, c'est un hadith qui est connu de tout le monde, hadith de Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, et qui est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Celui d'entre vous qui voit un mal, فليغيره بيده. Donc si c'est un ordre du prophète صلى الله عليه وسلم, فليغيره بيده بصيغة الأمر. Celui d'entre vous qui voit un mal, quelque chose qui est contraire à la religion, qui est contraire à la législation musulmane, alors qu'il le change. Falyurayyirhu biyadi. Biyadi, c'est-à-dire par sa main. Et ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce hadith, il va donc nous montrer que c'est une obligation pour chaque personne d'ordonner le bien et d'interdire le mal, à son niveau, bien sûr. Et il va également nous montrer al-maratib. C'est-à-dire, il va nous montrer en fait les différentes étapes d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Donc la première étape, c'est par la main, biyadi. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. Et s'il ne peut pas avec sa main, alors il passe à la seconde étape. Et c'est bien sûr avec la langue. Et ensuite, s'il ne peut pas, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. C'est-à-dire avec son cœur. Et comme nous l'explique le shir, avec son cœur, il nous dit wa taghyir al-munkar bil qalb yakun bi karahati al-munkar wa husul al-athar ala qalbi bi sabab dhalik. C'est-à-dire comment maintenant nous on change le mal de par notre cœur, comme nous indique ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fa bi qalbihi, c'est-à-dire que l'on doit détester au fond de nous, c'est-à-dire au fond de notre cœur, du fond de nous-mêmes, on doit détester ce qu'on est en train de voir. Ou ce qu'on est en train de savoir, parce que le shir, lorsqu'il nous dit men ra'a munkaran, il dit yahtamil an yakun ar-ru'yatu al-basariyah, ce que tu vois avec tes yeux, ou également ar-ru'yatu al-ilmiyah, ce que tu entends, ce que tu sais, ce dont on t'informe par rapport au mal qui se passe autour de toi ou loin de toi. Alors à ce moment-là, dans la dernière des étapes, bil qalb, tu dois en fait tunkiru bi qalbik, c'est-à-dire tu dois détester cela et tu dois le nier par ton cœur. Et donc ça, bien sûr, adam in a'mal al-qulub, ça rentre bien sûr parmi les actes du cœur. Donc là, le cœur, comme on l'a vu, il fait des actes, et parmi ces actes là donc al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, ça rentre également dans ces actes, les actes du cœur. Wa yaqul wa husul al-athar 'ala al-qalb bi sabab dhalik, c'est-à-dire que tu dois ressentir au fond de ton cœur un effet. Et un effet, bien sûr, qui se traduit par la tristesse. Al-mu'min al-sadiq, c'est-à-dire le véritable croyant, lorsqu'il voit le mal autour de lui, automatiquement, yahzun, c'est-à-dire ça le rend triste. Non seulement de par son cœur, il déteste cela et il renie ce qu'il voit, mais en plus de ça, ça laisse un effet de tristesse dans son cœur. Obligatoirement. Et bien sûr, là, القلب الحي والقلب القلب الميت, c'est-à-dire le cœur qui va être vivant et le cœur qui va être mort. C'est-à-dire une personne arrive à un niveau que même avec son cœur, la yunkar. La yasul al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar hatta bi qalbi. C'est-à-dire que certaines personnes arrivent à un niveau où en fait même avec leur cœur, ils ne renient plus en fait le mal. Et le mal n'a plus en fait d'effet. Ce qu'ils s'aperçoivent autour d'eux comme mal n'a plus d'effet par rapport à leur cœur. Wallah al-musta'an. Dans le verset, en fait, donc, al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar fardu kifayi. Dans le hadith, fardu ayn, c'est-à-dire, donc, dans le hadith qu'on vient de citer, c'est une obligation qui est pour tout le monde. C'est-à-dire que la personne, à titre d'exemple, elle a ce qu'on appelle al-wilayat khassa, c'est-à-dire avoir un espace qui est privé, un espace à elle qui va être privé, comme par exemple le père. Comme par exemple la mère dans leur foyer. Le père et la mère dans leur foyer ont cette tâche qui leur est rendue obligatoire par l'islam. par ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il voit un des deux un mâle dans la maison, automatiquement il faut qu'il le change par sa main. Il faut qu'il le change par sa main, c'est-à-dire c'est la première étape ici, par sa main. Et si il ne peut pas, alors bien sûr avec sa langue, bilisani, etc., suivant les étapes. Et comme nous le précise le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que par le al-qalb, par le cœur, s'il advient simplement par le cœur, sans qu'il n'y ait eu en fait de changement avec la lisan, la langue, ou alors avec la main, ce qui est au-dessus, alors ce sera le niveau le plus faible de la foi. Donc on voit en fait également ici une relation directe entre l'action et entre l'iman, entre l'acte et entre la foi, entre l'acte et entre la foi. Donc chaque personne a une responsabilité, et donc chaque personne doit obligatoirement obliger le bien et interdire le mal. Et bien, par rapport à ce qui est de l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, il y a beaucoup de questions qui sont en relation avec ce point-là. Comme par exemple la question de savoir lorsqu'on change ou lorsqu'on part pour changer ce mal, de savoir qu'est-ce qu'il va advenir derrière, ou de faire des calculs et de voir est-ce que après cela ça va engendrer, après ce changement de mal, est-ce qu'il va devenir un mal qui va être moindre, ou est-ce qu'il va devenir carrément un bien, ou est-ce qu'il va advenir un mal qui va être plus important. Donc à partir de là, bien sûr, il y a des règles à suivre par rapport à l'islam, c'est-à-dire ce n'est pas à chaque fois qu'on va voir un mal qu'on peut le changer, ou à chaque fois qu'on va voir un mal, le fait de le changer ça va être automatiquement la bonne solution. Non, c'est pas dans tous les cas, c'est-à-dire que dans certains cas, changer un mal ça va engendrer un mal encore plus grand. Donc dans ce cas-là, il est préférable de laisser ce mal pour ne pas empirer en fait la chose. Et ça fait partie aussi des règles de l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Et bien sûr, les savants ont parlé sur ce thème-là et se sont élargis et ont détaillé toutes les questions qui sont en relation avec cela. Ensuite, le shir, il va nous rappeler un autre verset du Coran. Et ce verset du Coran, certaines personnes pourraient argumenter en prenant donc comme preuve ce verset pour dire en fait que la personne, elle a à s'occuper d'elle-même, elle n'a pas à s'occuper des autres. C'est-à-dire, elle n'a pas à établir cette fonction-là qui est l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Et le verset, c'est le verset 105 de sourate Al-Ma'ida. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم سورة المائدة c'est le verset 105. Oh les croyants, vous êtes responsables de vous-même, celui qui s'égare ne vous nuira point si vous avez pris la bonne voie, si vous avez pris la bonne voie. On pourrait comprendre en fait de ce verset que on est simplement responsable de nous-mêmes et on n'a pas à s'occuper des autres personnes. C'est-à-dire, si on voit un mal qui provient d'une personne, on n'a pas à le changer, ce mal-là. Pourquoi ? Parce que Allah Azza wa Jal yaqul ya ayyuhal ladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. On pourrait comprendre, et ça serait une très mauvaise compréhension, une compréhension qui est complètement contraire au hadith du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man ra'a minkum munkaran fayughayyirhu biyadihi. Al-hadith, le shir yaqul fa inna al-ma'na idha qumtum bima wa matlub minkum min al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. C'est-à-dire, si vous avez fait, vous, c'est là la compréhension du verset, si vous maintenant vous avez ordonné le bien et interdit le mal, faqad addaytum ma alaykum, vous avez fait ce que vous deviez faire. Donc vous êtes dégagé de votre responsabilité par rapport à cela. Wala yadurrukum ba'da dhalika dalalun man dalla idha ihtadaytum. Ça, c'est la compréhension du verset. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait cet acte-là, qu'on a obligé le bien et qu'on a interdit le mal, la yadurrukum ba'da dhalika dalalun man dalla idha ihtadaytum. C'est-à-dire que la personne, si elle n'a pas répondu à cet appel-là, et si elle ne s'est pas remise sur la bonne voie après qu'on ait, bien sûr, accompli cette action-là, alors cela n'aura aucun effet sur vous de néfaste. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. C'est ça la compréhension du verset. C'est donc le comprendre après qu'on ait fait notre obligation, après qu'on ait fait notre obligation, et ne pas comprendre le verset avant avoir fait l'obligation. C'est-à-dire tout simplement, moi je suis responsable simplement de moi-même, et ce que font les autres, ça ne me regarde pas. Si je vois un mal devant moi, je n'ai pas à le changer. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, et chacun a sa responsabilité. Ça, c'est faux. C'est faux de réfléchir comme cela au niveau de l'islam. L'islam ne demande pas cela, bien au contraire. L'islam, comme nous le prouve ce hadith, qui est un des grands hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est une des bases au niveau de la religion. Man ra'a minkum munkaran fayughayyirhu biyadi. Fayughayyirhu biyadi, il nous dit le prophète sallam, qu'il le change par sa main. Donc comment peut-on en fait réagir à avoir une réflexion telle? C'est une réflexion qui est complètement contraire à l'islam, qui est complètement contraire au verset coranique et complètement contraire à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'Allah Azzawajal nous demande dans notre société d'avoir un groupe de gens, une police des mœurs, un groupe qui ordonne le bien et qui interdit le mal, c'est pourquoi? C'est pour qu'en fait il advient entre nous une entraide dans le bien, une entraide dans le bien et dans la vérité. Donc en fait chacun a sa part de responsabilité pour ce qui est du al-amr bil ma'ruf. Chacun a sa part de responsabilité, que ce soit avec ceux qui sont sous notre autorité, comme nos enfants, comme notre femme, etc., ou alors que ce soit également avec les gens de notre entourage, comme les voisins, etc. On a cette fonction que l'on doit obligatoirement établir suivant cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par rapport à ça, où on va dire c'est quelque chose qui rentre dans l'islam, bil kitab, wa sunna wa lijma. C'est un enseignement qui est prouvé par le livre d'Allah, qui est prouvé également par la sunna du prophète sallam, et qui est également prouvé bil ijma', ijma' al-muslimin. C'est-à-dire le consensus des savants sur cela, le consensus des musulmans par rapport à cela. Et ça rentre également la religion et conseil, ad-dinu nasiha. Ad-dinu nasiha, la religion et conseil et sincérité. Ça rentre également dedans. Donc, bil ijma', personne n'a jamais parmi les savants de cette communauté du premier dernier, jamais en fait personne n'a refuté cela. Et c'est donc une obligation, que ce soit au niveau de la société ou au niveau de chaque personne, au niveau de l'afrad, chaque personne qui constitue cette société, la société musulmane. Et c'est même pour ça, comme va nous l'indiquer le Shir, qu'on a été la meilleure des communautés. Pourquoi on a été la meilleure des communautés? Simplement la meilleure des communautés comme cela, sans qu'il y ait en fait d'action. C'est pour ça que le Cheikh va nous rapporter ce verset du Coran, qui est également un grand verset qu'on a déjà vu pour prouver le bien de cette communauté. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khayra ummatin. Vous êtes la meilleure des communautés. Vous êtes la meilleure des communautés. Kuntum khayra ummatin. Pourquoi? Limada? Ukhrijat linnas, c'est-à-dire qu'on a fait surgir pour les hommes. Ta'muruna bil ma'rufuna al-jawab. C'est-à-dire pourquoi, si on se demande pourquoi, ou quel est en fait ce statut d'être le meilleur, d'être la meilleure des communautés. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mubasharatan. Allah Azza wa Jal directement a cité l'amr bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. Et c'est par rapport à cela, et bien sûr, wa tu'minuna billah. Ça, bien sûr, c'est un préliminaire qui est fondamental et essentiel. Mais avant cela, lorsqu'il nous cite le verset, Allah Azza wa Jal, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Donc, c'est ce qui a fait de vous la meilleure des communautés. Donc, il y a une cause à cela. Et donc, cette faveur qui nous a été faite en nous nommant comme étant la meilleure des générations, et bien sûr la meilleure des communautés, et bien sûr comme va nous l'expliquer Ibn Kathir, c'est que la meilleure de cette communauté, c'est bien sûr As-Salaf, c'est-à-dire As-Sahaba, et ensuite ceux qu'ils ont suivis. Falidak ayakul Ibn Kathir fi tafsir hadhihi al-aya, dans l'explication de ce verset, was-sahihu anna hadhihi al-ayata 'ammatun fi jami' al-umma kullu qarnin bihasabi. C'est-à-dire que ce qui est authentique par rapport à la compréhension de ce verset-là, c'est que ce verset-là, il est valable pour toute la communauté. Fi jami' al-umma. Pour toute la communauté. Et il est général pour toute la communauté. كل قرن بحسبه, c'est-à-dire chaque siècle suivant bien sûr suivant son niveau. كل قرن بحسبه. وخير قرونهم الذي بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم, رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. C'est-à-dire que la meilleure de cette, bien sûr, de la meilleure de cette communauté, les meilleurs gens de cette communauté et le meilleur siècle, c'est le siècle où a été envoyé le prophète صلى الله عليه وسلم. Et ensuite ceux qui ont suivi, et bien sûr avec lui, les sahaba, tous ceux qui ont été avec le prophète, et ensuite ceux qui ont suivi, et ensuite ceux qui ont suivi. C'est pour ça qu'on dit bien sûr trois meilleures générations. Donc par rapport à ça, ils ont certes été la meilleure de cette communauté-là, ces gens-là. Et à leur tête donc le prophète sallam et les sahaba. Et aussi donc Ibn Kathir, lorsqu'il explique ce verset, il rapporte les autres versets qu'on avait déjà cités par rapport à cette communauté. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيار, c'est-à-dire la meilleure des communautés. Le terme ici وسطا أي خيارا, c'est-à-dire la meilleure des communautés. Et également لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Donc le fait d'être témoin devant les gens, bien sûr cela, le jour du jugement, ça prouve en fait le caractère de cette communauté, c'est-à-dire qu'elle sera la meilleure des communautés. Et contrairement à cela, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre subhanahu wa ta'ala, il a maudit ceux qui ont délaissé l'amr bil ma'ruf wa nahy an al munkar. Il les a maudits. Et non. Ça donc c'est encore une autre preuve de l'importance de l'amr bil ma'ruf wa nahy an al munkar. Et le cheikh va donc citer le verset suivant. Yaqulu Allah azza wa jalla لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون. Ça c'est في سورة المائدة verset 118 et 79. Ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable. Ala wa shahid. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable. La bi'sama kanu yaf'alun. Comme est mauvais certes ce qu'ils faisaient. Regardez un peu comme Allah Azzawajal les a maudits, ces gens-là. Il les a maudits. Et parmi ce qu'il a cité Allah Azzawajal dans ce verset, ou dans ces versets, كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوا. Donc ça c'est encore une preuve de l'importance de l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Et les personnes de cette communauté, s'ils délaissent cette chose-là, alors automatiquement il leur adviendra ce qu'il est advenu aux autres communautés. Parce que le fait d'être la meilleure des communautés, ce n'est pas en fait à titre gratuit. C'est la cause d'un travail et bien sûr d'actions que la communauté a faites. Et parmi ces actions-là, l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Et c'est pour ça que dans le verset, si on revient au verset qu'on a cité, Ya ayyuha alladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. C'est pour ça qu'on voit que la compréhension de beaucoup de gens de science, et parmi eux les sahaba comme Hudhayfa et d'autres encore savants parmi les compagnons, ils disaient man taraka al-amr bil ma'ruf lam yahtadi, c'est-à-dire celui qui a délaissé, pour bien sûr montrer leur compréhension du verset, ils disaient celui qui a délaissé al-amr bil ma'ruf, qui a délaissé le fait d'ordonner le bien, alors il ne s'est pas guidé ou il n'est pas bien guidé. Et donc on voit en fait la compréhension qu'avaient les sahaba et les autres parmi les grands savants des sahaba et des tabi'in comme Saïd ibn al-Musayyib, etc., qui nous prouvent en fait, de par leur explication, qui nous prouvent que la question ici dans ce verset là c'est bien sûr après avoir ordonné le bien. Et donc si la personne ne répond pas, alors à ce moment là on n'a plus de responsabilité, on est dégagé de nos responsabilités devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça n'aura aucun effet néfaste qu'il n'ait pas répondu à notre appel et qu'il ait fait le contraire de ce qui était demandé au niveau de la religion. Et c'est pour ça également qu'Allah Azza wa Jal yaqul fi surat al-Asr, que tout le monde apprend, wa tawasaw bil haqq. Donc ça aussi c'est encore une preuve. Et bien sûr al-haqq, la vérité, c'est tout ce qui est bien sûr de la religion, tout ce qui est du Coran et tout ce qui est de la Sunna Donc, c'est-à-dire qu'ils s'enjoignent mutuellement la vérité. Donc, le fait de s'enjoindre mutuellement la vérité, c'est bien sûr un travail de groupe et ça rentre dans l'amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Ensuite, le shir il passe à l'explication d'un autre hadith ou d'un autre verset. فيقول حفظه الله تعالى قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Ça c'est le surat Ali Imran et c'est le verset 185. Donc le sens de la traduction du verset, toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ce verset-là, il est revenu plusieurs fois dans le Coran, comme fi surat Al-Ankabut. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وكذلك في سورة الأنبياء كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Donc c'est un verset qui est revenu plusieurs fois dans le Coran. Ici Allah Azza wa Jalla nous informe que tout le monde va mourir, chaque personne va mourir, tout le monde donc est voué à la mort, sauf qui? Sauf Allah subhanahu wa ta'ala. كما قال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Tout ce qui est sur la terre, tout ce qui se trouve sur la terre, كل من عليها, sans une seule exception. Ici c'est général et il n'y a pas d'exception qui sont venues dans le Coran de la Sunna. فان, elles s'éteindront. Chaque âme, chaque personne va s'éteindre. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Et bien sûr, il restera le visage de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc seul Allah Azza wa Jal, wal hayyu alladhi la yamut, il est le tout vivant. Et on avait vu l'importance de ce nom là et on avait vu son attribut al-haya, une vie que ne touche la mort, que n'effleure la mort et que n'effleure même pas le sommeil et non la somnolence subhanahu wa ta'ala. Et à part Allah Azza wa Jal, tout le monde mourira, tout le monde va goûter à la mort, ce qui prouve en fait un naqs في حياة الإنسان وفي حياة المخلوقات. Cela prouve l'imperfection de cette vie qui se trouve chez les hommes, qui se trouve dans toutes les créatures. Toute créature va mourir, même les anges, et même les anges les plus rapprochés, même ceux qui portent Hamalatul Arsh, ceux qui portent le trône, même eux ils vont mourir, tout le monde sans exception. Al-Ins wal-Jinn, les hommes, les êtres humains et également les djinns, tout le monde va mourir. والموت كما يقول الشيخ والفاصل بين الدنيا والآخرة. الموت والفاصل بين الدنيا والآخرة. C'est bien sûr ce qui sépare cette vie d'ici-bas à celle de l'au-delà. Allah al-musta'an. Et donc ce verset-là, c'est un rappel pour le croyant. كل نفس ذائقة الموت. C'est un rappel pour le croyant. Il se rappelle déjà dans lui-même qu'il va mourir bientôt. Et il n'attend pas sa mort dans un futur lointain, bien au contraire. Il sait que l'homme peut mourir à tout moment. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla, il a écrit quand tu vas mourir. Et cette mort-là, elle peut advenir cette mort-là à n'importe quel moment de ta vie. Et donc ce rappel-là, kullu nafsin dha'iqatul maut, ça doit engendrer un travail. Et ce travail-là, c'est al-muhasaba, c'est-à-dire le fait de faire ses propres comptes. Faire ses propres comptes, voir où on en est. Faire le point sur soi-même. Est-ce qu'on est prêt lorsque cette mort va venir? Est-ce qu'on est prêt devant notre Seigneur? Ou est-ce qu'on est à côté de la plaque? Ou est-ce qu'il nous reste encore beaucoup de choses à faire? Donc l'homme, tout le temps et toujours, il doit se rappeler la mort. Tout le temps, il doit se rappeler la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a même recommandé de visiter les tombes. Mais à quel titre ou pourquoi? Visiter les tombes pour aller pleurer sur les morts? Visiter les tombes pour faire des œuvres de shirk? Non. Visiter les tombes parce que cela nous rappelle l'au-delà. Cela nous rappelle l'au-delà, ce nous rappelle qu'on va rejoindre ces gens qui sont dans la tombe, et que nous également, on va goûter ce qu'ils vont goûter, que ce soit par rapport au châtiment, si on aura nos actions qui seront mauvaises, ou aux douceurs, si bien sûr nos actions, et aux délits, si nos actions sont bonnes. يقول الإمام البخاري في صحيحه إن رابورت الإمام البخاري dans son authentique في باب في الأمل وطوله c'est-à-dire le fait d'avoir un grand espoir par rapport à notre vie. C'est une traîtrise. Ça, c'est une traîtrise. C'est-à-dire le fait d'avoir toujours l'espoir par rapport à la vie. Se dire, je ne veux pas mourir demain, il me reste encore longtemps à vivre. L'amel, l'espoir, ou le long espoir par rapport bien sûr à la vie. Il nous rappelle un athar, il nous rapporte un athar, c'est-à-dire une parole de Ali, radiallahu ta'ala anhu. Yaqul, irtahalat dunya mudbiratan, wartahalat al-akhira muqbila. ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل إدي علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ارتحلت الدنيا مدبرة c'est-à-dire que la dunya s'en va derrière nous. Chaque fois que le temps passe, on voit que cette dunya elle s'en va. Si on se retournait, on voit en fait le temps qui est passé et le temps qui reste à venir, et on ne sait pas quel temps il reste à venir. Par contre, on est sûr de ce qui est passé. Donc cette dunya-là, mudbira, c'est-à-dire qu'elle s'en va derrière nous, mudbira, derrière notre dos. Et jamais on pourra récupérer, jamais on pourra repasser, c'est-à-dire on ne pourra jamais revenir dans cette dunya, essayer d'arranger ce qu'on a fait, ou essayer de faire des bonnes actions, là. La bonne action, c'est maintenant qu'il faut le faire. وَارْتَحَلَتْ الْآخِرَةُ مُقْبِلَ Par contre, الْآخِرَة, elle, مُقْبِلَة, c'est-à-dire que الْآخِرَة, elle est devant toi. Elle avance devant toi. مُقْبِلَة. C'est-à-dire plus tu vieillis et plus الْآخِرَة, elle se rapproche de toi, contrairement à la dunya. Donc elle est devant toi, الْآخِرَة. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ Pour chacun, il y aura des gens. Ou pour chacun, il y aura des enfants. Pour chacun des deux, que ce soit Al-Dunya ou que ce soit Al-Akhira, il y aura des enfants. Abna Dunya ou Abna Al-Akhira. C'est pour ça qu'il nous dit Ali, Fakunu min Abna Al-Akhira. Soyez parmi les enfants de l'au-delà. Et ne soyez pas parmi les enfants de la Dunya. Ceux qui ont tout simplement goûté à cette vie d'ici-bas, qui ont vécu dans cette vie d'ici-bas sans attendre rien de l'au-delà. Ou en oubliant l'au-delà, tellement ils ont joui de cette vie d'ici-bas. Fakunu min abna al-akhira. Soyez parmi les gens ou parmi les enfants de l'au-delà. Ceux qui ont préparé leur champ. Bien sûr, la vie de dunya, c'est comme un champ. Ce champ-là, qu'il faut tout le temps cultiver par les bonnes actions. Et cette récolte qui va être très précieuse, elle sera dans l'au-delà. Ensuite, yaqul fa inna al-yawma amal wa la hisab. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, dans ta vie, maintenant, devant toi, al-yawm amal, c'est le moment de l'action. Wala hisab, il n'y a pas de compte pour l'instant. Maintenant, il n'y a pas de compte, mais pour l'instant, c'est simplement le travail qui compte pour toi. Wa ghadan, c'est-à-dire dans l'au-delà, wa ghadan, demain, lorsque tu vas mourir, lorsque cette mort va t'atteindre, hisabun wala amal, c'est-à-dire les comptes, il n'y aura plus de travail. Ça sera le contraire. Ce sera le jour des comptes et tu ne pourras plus jamais rien faire. Ça sera terminé. Ce qui a été fait, a été enregistré. Tu seras rétribué par rapport à cela. Allah al-Musta'an. ثم يقول الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. Et il nous dit le shir. Comme on l'a vu le dernier cours, il nous dit min asbab zahzahati an an-nar wa ad-dukhul al-jannah, c'est-à-dire les causes, parmi les causes qui nous font qu'on s'écarte ou qu'on soit écarté du feu et qu'on soit rentré dans le jannah, fil jannah, dans le paradis, qu'on nous rentre dans le paradis, thabat al-muslim ala al-islam, c'est-à-dire que le musulman affermisse ses pas sur l'islam, wa an yadouma alayhi hatta al-mamat, et qu'il continue, qu'il soit constant sur ce chemin de l'islam jusqu'à la mort. Ça, c'est parmi les plus grandes causes qui font qu'on sera écarté du feu et qu'on sera rentré dans le djinn, dans le paradis. Thabatu al-muslim ala l'islam wa an yaduma alayhi hatta al-mamat. Hatta al-mamat. Subhanallah. Kama ja fi al-hadith, hadith qu'on a vu de Abdullah ibn Amr, faman ahabba an yuzahzi'a anin nar wa yudkhil al-janna falta'ti maniyatu wa yu'min billahi wal yawm al-akhir. Celui qui veut être écarté du feu et qui veut rentrer dans le paradis, alors que sa mort vienne, et qu'il croit à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il croit en Allah Azzawajal, une croyance sincère, une croyance authentique, et le jour du jugement. Et bien sûr, celui qui a cru en Allah avec une bonne croyance et qui a cru au jour du jugement, celui qui a cru avec sincérité au jour du jugement, ça, cette croyance-là a engendré, bien sûr, l'action, l'acte dans le bien durant sa vie. C'est-à-dire qu'il fasse aux gens ce qu'il aime qu'on lui fasse à lui. Ça aussi, ça fait partie des causes. Et ça, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam muslim. Et il nous dit le cheikh que Allah Azzawajal, lorsqu'il nous a mis en évidence, lorsqu'il a mis en évidence la grande rétribution que l'on aura dans la vie d'ici de l'au-delà, et qui est bien sûr la victoire, c'est-à-dire être victorieux lorsqu'on va rentrer dans le paradis, ça c'est la réelle victoire. Et le salut du feu, qu'on soit écarté bien sûr du feu, alors à ce moment-là et après tout de suite, Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire qu'il a mis Allah Azza wa Jal en évidence et nous a démontrer la médiocrité de cette vie d'ici-bas. Et qu'elle ne vaut rien du tout. Elle n'est de rien cette vie d'ici-bas. Faqala wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Al ghurur bi dhamma. Ici c'est avec dhamma. Et il nous dit le chien, monsieur, wa ma yahsul bi al-ightirar. C'est ça l'horreur. Et comme ils l'ont traduit, la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Bien sûr, le croyant, lorsqu'il entend ces versets, et lorsqu'il a la foi sincère envers ces versets, cela bien sûr l'aide dans cette vie d'ici-bas, subhanallah. Surtout que le croyant, il a des moments de faiblesse comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il va se pencher ou il va diriger ses yeux vers ceux qui sont en train de jouir de cette vie d'ici-bas. De ceux qui sont en train de profiter jour et nuit de cette vie d'ici-bas, sans s'occuper, sans se préoccuper de la vie d'ici, de l'au-delà. Lorsque le croyant, le véritable croyant, il se ressource dans le Coran et il entend ces versets-là, alors ça l'apaise. Parce que la personne muftatan, c'est-à-dire que la personne, elle est éprouvée par ce qu'elle voit autour d'elle, surtout dans le monde où on vit, à l'époque où on vit, où les choses sont à portée de main. Donc la personne, subhanallah, le musulman, lorsqu'elle se rappelle ses versets, il lit ses versets, il réfléchit sur ses versets, alors cela passe son cœur et va dévier son regard de ces gens-là et savoir quelle est la réelle valeur de cette vie d'ici-bas. Al-ghurur, mata'ul ghurur, c'est comme ça qu'il l'a appelé. Yani, Allah Azzawajal, c'est comme ça qu'il l'a appelé. Ma yahsul bi al-ightirar, c'est-à-dire le fait de se faire tromper. Naam, c'est trompeur. Cette vie d'ici-bas est trompeuse, tout simplement. Donc, al-ghurur ma yahsul bi al-ightirar. Ou amma al-gharur, parce que dans le Coran, il est advenu deux termes. Allah Azza wa Jalla a cité deux termes dans son livre. Al-ghurur bi dhamma wa al-gharur bi al-fatha. Bi fatha al-ayn. Tayyib, bi fatha al-ayn. Kama fi qawli ta'ala, wa la yaghurrannakum billahi al-gharur. Donc, ici, al-gharur, c'est avec al-fatha. والغرور سي الشيطان فالمراد به الشيطان كما ينادي الشيخ ça c'est في سوره لقمان et c'est le verset 33 et c'est un trompeur. Donc Allah Azza wa Jal il nomme le shaytan, le diable, comme un trompeur. Et cette vie d'ici-bas illa mata'ul ghurur, c'est-à-dire que cette vie d'ici-bas, comme c'est traduit, un objet de jouissance trompeuse. Alors que Al-Gharour, c'est le shaitan lui-même, c'est le trompeur lui-même, c'est lui-même qui fait l'action de tromper les gens. Donc, et que le trompeur ne vous induise pas en erreur sur Allah. Et c'est pour ça que Al-Qurtubi, il nous rapporte une parole de Ibn Arafa. Il dit que Al-Gharour, ma ra'ayta, la'u zahiran tuhibbu, c'est-à-dire ce que tu vois d'extérieur et que tu aimes. De par son extérieur, tu aimes. Mais dans son intérieur, il y a quelque chose qui est détestable. Ou alors, ce n'est pas détestable, quelque chose qui est quoi ? Qui est majhoul. Qui est majhoul, c'est-à-dire dont tu ignores le contenu. C'est majhoul. Wa shaytan gharour. Yannou yahmil ala mahab al nafs. C'est-à-dire que le shaytan, lui maintenant, il est considéré comme trompeur parce qu'il amène et il porte les âmes à ce qu'elles aiment. Ce qu'elles aiment, mais sachant que derrière cet amour-là, il y a un mal. Ce qui est un mal ou quelque chose dont toi tu n'as science. Et c'est pour ça qu'on appelle au niveau de la jurisprudence Bayr al-Gharar. Il y a un terme ou une sorte de vente que l'on appelle Bayr al-Gharar. Ou al-Gharar. Al-Gharar, c'est en fait justement le fait d'être trompé par la marchandise. C'est-à-dire une marchandise qui est sous son aspect extérieur, qui est bonne, mais qui en réalité, dans son intérieur, qui n'est pas bonne, ou qui est en fait wabatin majhul, c'est-à-dire dans son intérieur qui est inconnu, quelque chose qui est inconnu. C'est-à-dire qu'on connaît tout simplement cette marchandise de par son extérieur, mais dans son intérieur, on ne peut savoir est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle n'est pas bonne. Et c'est donc al-majhul, ce qui est en fait, c'est ce qui est considéré comme inconnu. Et donc dans ce cas-là, il n'est pas permis. Wal-gharar, al-gharar, c'est-à-dire la tromperie au niveau de la jurisprudence dans ce qui concerne le commerce, c'est une des grandes causes. C'est-à-dire qu'on va trouver beaucoup de mu'amalat tijariya, c'est-à-dire des actions commerciales, des actes qui sont en relation avec le commerce, qui sont interdits pour cause justement al-gharar. Pour cause al-gharar, c'est-à-dire la tromperie. Quelque chose qu'en apparence qui peut paraître en bon état, mais dont on ne peut savoir réellement quelle est sa composition ou quel est réellement son état. Donc il reste inconnu. Il est interdit, cette vente est interdite. Ou tout ce qui cause cette vente-là va être interdit. Et ensuite le shir, il va nous citer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous prouve également la grandeur de la vie de l'au-delà et le paradis, cette grande marchandise. Contrairement à quoi ? Contrairement à cette vie d'ici-bas. Contrairement à cette vie d'ici-bas. يقول النبي صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا ولنصيفها يعني الخمار خير من الدنيا وما فيها رواه الإمام البخاري وقوله صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر أحدكم بما ترجع رواه الإمام مسلم. طيب dans le premier hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم il nous met en évidence la valeur de cette vie d'ici-bas par rapport à la valeur de l'au-delà. Et également dans le deuxième hadith, il nous dit le prophète Sam, Radwa tu fi sabilillah. El Radwa, c'est en fait Sayyid awal al-Nahar il al-Zawal. C'est le fait de sortir, donc ici Radwa tu fi sabilillah, le fait de sortir dans le chantier d'Allah, fi sabilillah, dans le chemin d'Allah. Donc El Radwa bil Rain, c'est le fait de sortir du début de la journée jusqu'à midi. C'est ce qu'on appelle le terme al-radwa, où le prophète s'est dit « ou rawha » ou bien « rawha ». Ou « rawha », c'est bien sûr « min zawal ila akhir al-nar », c'est-à-dire à partir de midi, au moment où le soleil commence à se décliner, jusqu'à la fin de la journée. Ça, c'est ce qu'on appelle « rawha », et qui vient du terme « raha » et l'autre qui vient du terme « rada ».« Khayrun min ad-dunya wa ma fiha » est mieux que cette dunya et ce qu'elle contient. Simplement, partir un matin ou partir une après-midi dans le chemin d'Allah, simplement cela est mieux que ce qui se trouve dans cette dunya. Et lorsque le prophète sallam yaqul min ad-dunya, tout ce qui se trouve dans la dunya, même les meilleures choses, les plus belles choses que l'on peut connaître. Wa laqabu qawsi ahadikum aw mawdi' qadamin min al-jannati khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Ensuite le prophète sallam, il insiste et il nous dit, pour nous mettre toujours en évidence et nous faire comprendre quelle est la différence entre cette dunya et cette akhira. Wa laqabu qawsi ahadikum. Al-qab, Donc Qabl, Qaf, Alif et le Ba, c'est en fait la distance du milieu d'un arc. Donc Al-Qaws, c'est l'arc, c'est la distance du milieu d'un arc à l'une de ses extrémités. La distance du milieu d'un arc à l'une de ses extrémités. C'est-à-dire l'emplacement d'un pas, l'emplacement d'un pas d'une personne d'entre vous. Donc simplement cette petite chose que nous donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit l'emplacement d'un pas ou que ce soit la distance donc du milieu d'un arc à l'une de ses extrémités du paradis, bien sûr cela c'est du paradis, ces choses là, cette quantité, c'est mieux que de toute cette dunya et ce qui se trouve à l'intérieur de cette dunya. Simplement la distance du milieu d'un arc à l'une de ses extrémités, ou alors l'emplacement d'un pas dans le paradis, c'est mieux que cela, c'est mieux que cette dunya et ce qui se trouve à l'intérieur d'elle. Subhanallah. Et ensuite il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aw walaw anna imra'atan min nisa'i ahli al-jannati tala'at ila al-ard la'aba'at ma baynahuma. Si simplement une femme parmi les gens du paradis, une femme du paradis, et tala'at ila al-ard, c'est-à-dire si on pouvait la distinguer depuis la terre, elle aurait, c'est-à-dire avoir accès à cette terre d'en haut bien sûr, c'est-à-dire depuis le paradis. La'aba'at ma baynahuma. La'aba'at ma baynahuma. Elle aurait illuminé ce qu'il y a entre le paradis et la terre. Wala mala'at ma baynahuma rihan. C'est-à-dire qu'elle aurait rempli de son odeur à elle, bien sûr, ce qu'il y a entre le paradis et la terre. Et il est venu dans certaines riwayat, rihan musk, c'est-à-dire le musk, l'odeur du musk. Wala nasifuha yani al-khimar. Wala nasifuha yani al-khimar. C'est-à-dire ce qu'elle se met au-dessus de la tête. Bien sûr, al-khimar, c'est bien sûr ce qui recouvre la femme en partant de la tête. En partant de la tête. C'est ce qui recouvre. Et c'est donc ce qu'on appelle le khimar. Et ici, al-nasif. Al-nasif. Bissad al-nasif. Et bien sûr, yani al-khimar, ce n'est pas la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici, c'est en fait la parole d'un des rapporteurs. Et c'est ce qu'on appelle ici mudraj. C'est-à-dire, ça rentre dans ce qu'on appelle le hadith al-mudraj. C'est-à-dire une parole qui se trouve ou qui a été introduite par un rapporteur du hadith pour en fait démontrer ou alors pour expliquer un terme qui a été cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici en l'occurrence al-nasif, donc c'est peu de gens qui connaissent ce terme là, qu'est-ce qu'il veut dire au niveau de la langue arabe. Donc l'un des rapporteurs, lorsqu'il rapporte le hadith, il dit ya'ni al-khimar, c'est-à-dire al-khimar. Et il explique comme ça. Donc il faut bien faire la différence et ne pas croire lorsqu'on va ensuite répéter le hadith que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il est devenu aussi dans un des hadiths de Aïcha, lorsqu'elle disait at-tahannuth, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam partait dans la grotte pour méditer, elle disait yatahannath. Les rapporteurs qu'ils ont rapporté depuis Aïcha, ils ont rajouté ay yata'abbad, c'est-à-dire qu'il faisait des actes d'adoration. C'était pour en fait expliquer le terme yatahannath. Mais ce ne rentre pas, bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'ovd mudraj, c'est-à-dire un terme qui a été introduit mais qui ne fait pas partie de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de celui parmi les compagnons qui explique ou qui cite le hadith, lorsque c'est par exemple un acte du prophète comme l'a fait Aïcha par rapport à la description de l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire sont simplement ce voile donc et ce khimar qu'elle se met, c'est mieux que cette dunya et ce qui se trouve. Rawal Imam al-Bukhari. Et ensuite, dans le deuxième hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, wallahi, il jure le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma dunya fil akhirah, c'est-à-dire la dunya par rapport à cette vie d'ici-bas par rapport à l'au-delà, illa mithlu ma yaj'al ahadukum usbu'ahu fil yam. Comme la personne qui trempe son doigt dans la mer. Donc el yam, c'est el bahar. Al-Yam, c'est Al-Bahr. Comme celui en fait qui trempe son doigt dans la mer. Et ensuite, فَلْيَنْدُرَ حَدُكُمْ بِمَا تَرْجِعَ. C'est-à-dire qu'il enlève son doigt et qu'il regarde ce qu'il a pris par son doigt qui va être à peine trempé par rapport à cette mer. Et donc, c'est tout simplement une comparaison entre la vie d'ici-bas, ce qui a été pris par le doigt, بِمَا تَرْجِعَ, et ce qu'il reste par rapport à la mer. Donc ici on voit une comparaison encore du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous prouver qu'il n'y a aucun lien par rapport à l'importance de la vie de l'au-delà de la vie d'ici-bas, subhanallah.